إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc le cheikh rahimahullah Nasr al-Sa'di continue et dit « Parmi les causes qui éloignent la tristesse et l'angoisse, il y a le fait de converger toutes ses pensées, de se concentrer et de donner de l'importance uniquement au jour présent, de ne pas se préoccuper du futur et de n'éprouver aucune tristesse pour ce qui est du passé. » Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander refuge auprès d'Allah contre toute angoisse et tristesse. La tristesse et les regrets causés par des situations ou des actes passés, dont on ne peut en aucun cas changer le cours, et l'angoisse ayant pour origine la peur du futur, de l'avenir. Donc il incombe au serviteur de se préoccuper du jour présent et de réunir tous ses efforts pour améliorer son jour et son moment présent. Car le fait de réunir tous ses efforts pour cela concrétise l'accomplissement des œuvres, distrait le croyant de ses angoisses et de ses tristesses et le réconforte. Donc le Cheikh Rahimahullah, à travers ces quelques lignes, évoque que parmi les moyens qui éloignent la tristesse et l'angoisse, il y a le fait de se concentrer uniquement sur les œuvres du jour présent. Que le musulman doit se préoccuper uniquement du jour présent, ne pas se préoccuper du passé qui ne reviendra plus jamais, et du futur qui n'est pas sûr d'atteindre, car le fait de repenser au passé et de se laisser ronger par les remords d'un acte passé ou d'avoir peur du futur, comme le fait d'avoir peur de la mort ou de la maladie, ceci installe une tristesse et une angoisse dans le cœur de l'homme et lui rend sa vie pénible et désagréable. Penses-tu échapper à la mort ? Penses-tu échapper à la mort ? La meilleure créature qui a marché sur cette terre est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: toute âme goûtera la mort. Donc personne est éternel, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, ne te soucie pas du jour de ta mort, mais œuvre, fais des bonnes actions. Et quand la mort arrivera, tu auras fait les causes nécessaires pour être prêt à partir. Hashim ibn Bashir, qui était un savant dans le hadith à l'époque des tabi'in, a décrit Mansour ibn Zaidan, rahimahumullah, qui était aussi un savant de son époque. Donc il les a, ou il l'a décrit en ces termes. Il a dit, le concernant, si on lui disait que l'ange de la mort est devant la porte de chez lui, il ne pourrait rajouter aucune autre bonne action. Pourquoi ? Car il s'était préparé à ce jour. Ibn Qayyim, rahimahullah, résume en quelques phrases ce que je viens de citer. Il dit, rahimahullah, tu es dans un temps entre deux temps, et ceci est en réalité ton temps de vie, qui est ton temps présent, entre ton temps passé et ton temps futur. Ce qui est passé, tu le réformes à l'aide du repentir sincère, du regret et de la demande de pardon. Et ceci est une chose facile pour toi et non fatigante, car c'est une action du cœur. Et tu t'abstiens de faire des péchés dans les jours futurs. Et cette abstinence te procure un repos intérieur. Puis il continue, rahimallah ibn Qayyim, et dit: le plus important est ton temps présent, celui qui est entre le passé et le futur. Si tu le perds, tu auras perdu ton bonheur et ta réussite. Et si tu le préserves en réformant le passé et le futur avec ce qui a été mentionné, tu auras réussi et gagné le repos, les délices et les bienfaits. Puis le Cheikh, rahimallah, Nasr al-Sa'di, continue et dit: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation ou exhortait sa communauté à faire une invocation, il les exhortait aussi, avec la demande de l'aide d'Allah et l'espérance en sa récompense et sa grâce, de multiplier les efforts pour concrétiser ce pourquoi ils invoquaient Allah et de s'éloigner de tout ce dont ils demandaient à Allah de les préserver. Car l'invocation est comparable à l'œuvre. Le serviteur se doit de redoubler d'efforts dans ce qui lui est profitable, autant sur le plan religieux que mondain, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la réussite et de lui accorder son aide et son assistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique: veille à ton profit, cherche l'assistance d'Allah, ne faiblis pas. S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas « si j'aurais fait ceci, il en serait ainsi et ainsi ». Mais dis plutôt « c'est le destin d'Allah et ce qu'il a voulu s'est réalisé ». Car le mot « si » ouvre l'œuvre de Shaytan, du diable. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre l'ordre de faire les choses qui nous sont bénéfiques dans toute situation et la demande d'aide à Allah et la non-soumission à l'impuissance qui est la paresse néfaste et le fait de se soumettre aux faits accomplis qui ont été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte sa communauté à implorer l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour concrétiser leurs œuvres et leurs projets. Allah dit dans la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, dans le sens du verset « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a lié l'adoration à la demande d'aide. « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Car il est impossible pour le serviteur d'adorer son Seigneur sauf par l'aide d'Allah et par sa volonté. Puis le Cheikh Rahimullah nous explique que l'impuissance signifie la paresse néfaste. Et la paresse est une grande maladie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection à Allah contre la paresse. D'après Anas ibn Malik Rahimahullah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en invoquant Allah, « Ô Allah, je demande protection auprès de toi contre l'anxiété, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, la difficulté de la dette et la domination des hommes. La paresse néfaste est la paresse qui t'empêche de faire des efforts dans ce qui est bénéfique et obligatoire. Les savants disent, si tu ne veux pas te fatiguer, alors fatigue-toi pour ne pas être fatigué. Tu veux accéder au repos sans faire d'efforts ? Le repos ne vient pas avec le repos. Il faut œuvrer et agir. Allah dit dans le sens du verset aux gens du paradis, « Voici le paradis que vous avez hérité, dû à vos actions. » Donc les actions sont une cause pour entrer au paradis. D'ailleurs, Allah, dans plusieurs passages du Coran, nous exhorte et ordonne d'œuvrer. Combien de personnes sont privées des obéissances, des actes d'adoration dus à cette paresse, cette fainéantise? Combien de personnes sont privées de bienfaits énormes dus à la fainéantise? Donc le musulman se doit d'œuvrer et de combattre la fainéantise. Quand un compagnon faisait tomber son fouet ou sa cravache en étant sur sa monture, il ne demandait à personne de lui donner. Il descendait de sa monture et il l'a récupéré lui-même. Et il a été rapporté de quelques salafs cette recommandation. Si tu peux ne rien demander à une personne, c'est-à-dire un service ou autre, alors abstiens-toi de demander. Puis le Cheikh Rahimullah continue et dit, parmi les plus grandes causes qui soulagent le cœur et réconfortent le moral, il y a Zikrullah. L'évocation d'Allah, le fait d'évoquer Allah, ceci a un effet étonnant sur le soulagement et le réconfort du cœur, comme cela éloigne également les peines et les tristesses. Allah dit dans le sens du verset, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? L'évocation d'Allah est une grande cause pour acquérir ce but et pour que le serviteur accède aux récompenses espérées auprès d'Allah. Donc parmi les causes pour dissiper les tristesses et les angoisses mentionnées par le Cheikh, rahimallah, il y a l'évocation d'Allah. Et le verset à ce sujet est clair. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Mais Iblis a pour objectif d'éloigner le serviteur de cette grande cause, qui est l'évocation d'Allah, pour le priver de tous ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner de l'évocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Donc Iblis veut empêcher le serviteur d'évoquer Allah pour que son cœur ne s'apaise pas et que ses angoisses, ses soucis ne disparaissent pas. Et on ne doit pas s'étonner quand on entend ou lit certaines histoires de salafs ou de gens de science quant à leur calme, leur sérénité et leur apaisement durant les épreuves. Abu Yusuf, qui était l'élève d'Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, allait assister à une assise de science de son cheikh Abu Hanifa. Pendant la route, on l'a informé que son fils est décédé. Comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, lavez-le et enterrez-le, je dois assister au cours. C'est de cette manière qu'ils réagissaient, car ils étaient préoccupés par le rappel d'Allah, par son évocation. Donc, ils ne ressentaient pas ses soucis et ses angoisses. Et quelle meilleure évocation et rappel d'Allah que l'étude de la science religieuse. Qu'Allah nous accorde le bien de cette vie et de l'au-delà et qui nous ressuscite avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.